Février 2003, chapitre 27e, vérification. Le temps s'était brutalement rafraîchi en milieu de semaine, et une fois de plus, Dutilleul se fit la réflexion qu'il devait absolument acheter un costume plus chaud ainsi qu'un nouveau manteau. La chose le barbait, car il détestait faire les boutiques. En ce jeudi matin, particulièrement gris et brumeux, il se sentait déprimé, car il avait plus que jamais le sentiment insupportable de faire du surplace. Pour ne rien arranger, son bureau était glacial. Comme souvent, il y avait des problèmes avec la vieille chaudière qui menaçait plus que jamais de rendre l'âme. En revanche, comme toujours, le thé était à son goût. Comprenant son problème domestique, Patricia Martineau avait promis de lui dégoter un radiateur électrique d'appoint. Si elle n'y parvenait pas, il rajouterait l'article sur sa liste de courses. Il avait prévu de recevoir Madame Dacroux à 10 heures et espérait sincèrement que d'ici là, la température serait redevenue acceptable. En attendant, il essayait de faire le point sur toutes ses affaires qui s'ingéniaient à lui échapper. Agathe Grimbert, Richard Dacroux, Pierrick Lourjade, la serre, le magasin. Tout ne pouvait qu'être lié. Il était parfaitement parvenu à reconstituer la chronologie des événements et à y inclure les meurtres. Seulement, il n'avait pas le moindre commencement de preuve. Il ne parvenait pas à comprendre sur quelle ficelle tirer, et c'était très frustrant. Tout comme d'ailleurs cette absence si totale de mobile. Tout cela lui paraissait si dérisoire. Madame Dacroux, tout aussi tendue que la première fois, arriva avec un bon quart d'heure d'avance, et Dutilleul bénit le fait qu'elle soit très chaudement vêtue. Ainsi, il se sentait moins coupable. Il lui proposa une tasse de thé, qu'à sa grande surprise, elle accepta. Elle eut alors l'ombre d'un sourire qui ne manquait pas de charme, et elle retira l'un de ses gants. Tout de suite, Dutilleul ne put manquer de remarquer cette main ainsi offerte au regard. Elle était fine, longue et très soignée. Elle était manucurée et les ongles recouverts de vernis incolore. Quand elle eut fini sa tasse, Dutilleul commença l'entretien. « Madame Dacroux, si j'ai voulu vous revoir aujourd'hui, c'est parce que je me demandais si votre fils conduisait, comme ce n'est mentionné nulle part. »« Non, du moins, pas officiellement. Oui, il savait conduire. Mon père lui a appris très tôt, sur l'un de ses tracteurs. Il se débrouillait bien. J'aurais été tout à fait content de lui offrir l'examen s'il avait décroché son bac. Tout ceci n'est plus de saison à présent. » »« Savez-vous s'il avait l'occasion d'utiliser ses connaissances dans ce domaine précis ?»« Eh bien... « Oh, puis à quoi bon? Vous auriez bien fini par l'apprendre. Oui, il pouvait conduire comme il voulait, même sans permis. Mon frère possède un garage et son fils aîné, Gauthier, n'a que 2 ans de plus que Richard. Ils se sont tout de suite merveilleusement entendus. Gauthier a toujours représenté le frère aîné que Richard rêvait d'avoir. En plus, comme il n'était pas à demeure, les occasions de conflit étaient rares. Gauthier serait plutôt du type bonne patte. Et il était très facile à Richard d'avoir le dessus, même s'il le respectait vraiment. Ce Gauthier aurait donc parfaitement pu lui prêter une voiture sans que vous n'en sachiez rien. La chose est en effet tout à fait envisageable, même s'il n'aurait jamais prêté le véhicule d'un client, ça, j'en suis sûr, comme mon frère a toujours un parc très important. Serait-il possible de rencontrer votre neveu au plus vite? Oui, si ça peut aider. Dutilleul ne sut pourquoi, mais il se sentit soudain assez satisfait. Tiphaine Gervelier ne s'était jamais vue comme une fille particulièrement intelligente. D'ailleurs, pour être franche, elle ne s'était jamais posé la question en ces termes. En revanche, ce qu'elle savait, puisqu'on le lui rabâchait depuis qu'elle était toute petite, c'est qu'elle était très lente. Toute réflexion lui demandait un effort considérable et, dès qu'elle avait commencé l'école, elle avait compris que rien ne lui serait facile. D'abord, elle était malhabile. Parvenir à tirer correctement un simple trait relevait de la gageure. Mais personne ne l'avait prise en grippe pour autant, car tout le monde reconnaissait ses efforts, parents en tête. Dès lors, au regard de ses difficultés sans cesse croissantes, le choix des tournelles s'était imposé de lui-même. Tiphaine s'y plaisait assez, surtout depuis que Thérèse Turandot était devenue son amie et l'aidait si souvent en maths. Peu à peu, X et Y perdaient de leur mystère et son professeur de maths l'avait même félicité pour le 12/20 obtenu lors du dernier contrôle. Certes, elle avait encore commis quelques étourderies, mais elle était parvenue à terminer tous les exercices, ce qui était une première. Sa mère serait très contente. Sans doute, cela la conforterait dans l'idée qu'elle avait fait le bon choix pour sa fille et oublierait un peu les lourds frais de scolarité qui grevaient si lourdement son budget. Souvent, Tiphaine se reprochait de ne pas être comme Thérèse, pour qui tout semblait si facile. Celle-ci avait déjà rédigé la dissertation demandée pour la fin du mois, et elle avait lu tous les ouvrages recommandés. Tiphaine, elle, regardait chaque jour la liste polycopiée et se demandait toujours par lequel attaquer. Les titres lui paraissaient si peu évocateurs. Elle n'osait pas demander son avis à Thérèse, même si celle-ci se ferait certainement un plaisir de la guider. Pour l'instant, toutefois, Tiphaine ne le voulait pas. Il y avait une résistance au fond d'elle, comme si un dernier territoire refusait cette assistance. Pourtant, Thérèse avait le chic pour ne jamais rien demander en retour. Elle se montrait toujours très disponible et patiente, malgré les cours qu'elle avait à l'extérieur. Petit à petit, les notes de Tiphaine décollaient. Journal, extrait numéro 6. Cher grand-père, tout continue à bien rouler pour moi, même si je t'avoue que je recommence à m'ennuyer ferme. D'abord, ça caille dehors. Février n'est vraiment pas engageant, mais ce n'est pas le pire. Papa a annulé le ski et, bien évidemment, il me l'a fait savoir au tout dernier moment. Il a soi-disant un gros dossier à traiter. Son entreprise a des difficultés. Peut-être, après tout, qu'est-ce que j'en sais? Maman, elle, ne va pas mieux. Son hospitalisation est prolongée. Moi, qui pensais la voir pendant les congés, c'est râpé. Je reste coincé aux tournelles. Pour ne rien arranger, Séverin est parti en vacances. Ce qui fait que je suis privé de mes petites escapades. Mais bon, je ne vais pas trop me plaindre de ce côté-là, car il est vraiment chic, le Séverin. Il me fait vraiment faire du bon boulot et comme il m'a à la bonne, il ne risque pas de me trahir. Qu'est-ce qu'il m'a fait rire avant de partir? Madrier est vraiment un con. En plus, ce salaud est vicieux. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Dire qu'il a osé me surveiller et qu'il s'en est vanté auprès de Séverin. Décidément, toutes les précautions prises n'étaient vraiment pas du luxe. Je ne peux pas me permettre de relâcher un instant ma vigilance, car ce serait idiot de gâcher bêtement toute cette liberté nouvelle, chèrement acquise en se faisant coincer. Le club est en sommeil, mais j'ai à nouveau un souci avec Dessert. Il a changé. C'est difficile à définir en quoi, mais je le sens bien. Il est devenu froid et distant, même s'il est toujours courtois. Je sais que ça a cassé avec Jenny. Cette conne est allée tout raconter à Sylviane, qui, fidèle à nos conventions, m'a rapporté toute l'affaire. Toutefois, dans ce qu'il faut tout de même bien qualifier de ramassis de conneries, je suis tout de même parvenu à récolter une information intéressante. Dessert se murge de plus en plus, même si c'est impossible de savoir d'où il sort l'alcool. S'il est au bord de rompre, je dois redoubler de vigilance, car je sais qu'il pourrait me faire du tort. D'un autre côté, je ne peux pas me permettre de l'éliminer, du moins, pas encore. Même si Berthelot rêve de lui faire son affaire, je dois calmer le jeu. Car le dit Berthelot n'est pas plus sûr. Il est trop entier, trop passionné. Pour un peu, ce sera presque une erreur de casting. Si l'on ne tient compte que de l'ancienne équipe, seul Simiane, au fond, est acceptable. Bien que très jeune encore, il a largement fait ses preuves. Seul bémol, il n'est pas commode. On ne sait jamais ce qu'il pense. Il parle le moins possible. Par contre, quelle précision dans l'exécution. Du moins, quand il est à jeun, car lui aussi picole ses vers. Au moins, pour lui, les résultats suivent, ce qui n'est plus le cas de deux sœurs. Lui, qui caracolait allègrement en tête, fait maintenant partie du troupeau des moyens. Jenny dit qu'il ne fout plus rien en cours. Si c'est vrai, cela risque de donner l'alerte à un moment ou à un autre, car Dessert est réellement bon élève. C'est avant tout pour cela que je l'ai choisi. Surtout qu'il n'a rien du m'as-tu vu qu'on serait en droit d'attendre, vu son pédigré. Parents blindés de thunes, père gros industriel, mère issue de la banque. Une sœur beaucoup plus jeune, qui devrait intégrer les tournelles l'année prochaine, du moins si son frère ne s'en fait pas vider avant. Le pire dans tout cela est que je n'ai aucune idée d'attaque, à moins que... Pour tout te dire, grand-père, il y a une maison, pas très loin, qui aiguise mon appétit. Peut-être parce qu'elle est en train d'être retapée. Elle est impressionnante. Très grande, avec rien de moins qu'un bassin intérieur et un spa. Au début, j'ai franchement cru que c'était un hôtel, mais il semble bien que non. Le permis de construire est au nom d'un particulier, un certain Émile Lemarge. Même pas quelqu'un de connu, ce qui renforce d'autant mon envie de l'attaquer. Seulement, je dois me montrer patient, car le chantier n'est pas encore assez avancé, du moins la dernière fois que je l'ai visité. Les matériaux étaient arrivés, et je n'ai pas eu beaucoup de mal à voir qu'il y ait pas mal de marbre dans l'affaire. C'en sera d'autant plus amusant. Assez pour ce soir.